Chapitre 3e. Les angoisses d'une mère. De bonne heure, le lendemain matin, Lady Isabelle se tenait debout près de la porte entrouverte de sa chambre à coucher. L'œil et l'oreille au guet, elle semblait observer ce qui se passait dans la maison, épier une occasion favorable de descendre l'escalier sans être vue. Son unique crainte à présent était de rencontrer Carlyle. Elle avait remarqué la veille, avec quelle attention il l'avait regardée, et elle en avait été glacée de terreur. D'ailleurs, Carlyle lui était toujours cher. Que dis-je, il lui était plus cher que jamais. Elle l'aimait maintenant d'un amour ardent, effréné, lui, le mari d'une autre. Il devenait donc absolument nécessaire qu'elle évitât avec soin toutes les occasions de le rencontrer et de se trouver en sa présence. Tandis qu'elle était là, à la porte de sa chambre, attendant avec impatience le moment propice pour elle de se rendre en bas, voilà que tout à coup, de la chambre faisant face à la sienne, s'échappe à cheval sur un manche à balai un charmant garçon au visage noble, aux yeux hardis, joyeux et gai comme on l'est à 5 ans. C'était son enfant à elle, son petit Archibald. Elle le reconnut à sa ressemblance avec Carlyle. Elle le reconnut surtout au battement précipité de son cœur. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, entraînée par l'instinct maternel, elle se précipita d'un bond au-devant de l'enfant, l'arrêta dans sa course rapide, le souleva dans ses bras, l'étreignit avec force contre sa poitrine et, haletante, oppressée, l'âme enivrée d'une joie indicible, elle revint avec le doux fardeau s'asseoir dans sa chambre à coucher. « Il ne faut pas avoir peur de moi, mon enfant, » balbutia-t-elle, remarquant l'air quelque peu effrayé du bambin. « Je ne suis pas méchante, moi. Oh non, j'aime les petits garçons, moi. » Et ce disant, la malheureuse mère l'enveloppait tout entier de ses baisers et de ses larmes. Et pendant qu'elle l'inondait ainsi de pleurs et de caresses, Wilson apparut subitement dans la chambre et s'arrêta ébahi et presque épouvanté à la vue de la scène étrange et incompréhensible qui se déroulait à ses yeux. Lady Isabelle se redressa terrifiée, un frisson glacial courut dans ses veines. Elle comprit sur le champ combien sa conduite devait paraître singulière, combien elle s'était étrangement oubliée. « Voyez-vous, souhaita-t-elle de dire en manière d'excuse, « Voyez-vous, j'adore les enfants. Et celui-ci, ajouta-t-elle en sanglotant, m'a rappelé un petit garçon que j'ai perdu. Vous me comprenez, n'est-ce pas ?» Wilson, par politesse, crut devoir répondre oui. Mais dans son fort intérieur, elle demeurait convaincue que la nouvelle institutrice avait le cerveau quelque peu détraqué. Après avoir échangé quelques mots avec elle, Wilson se tourna vers le jeune Archibald, qui, debout à ses côtés et un doigt dans la bouche, contemplait avec une attention comique les lunettes bleues de Lady Isabelle. « Pourquoi vous êtes-vous sauvé ainsi, méchant gamin ?» s'écria Wilson en réprimant sévèrement l'enfant. « Pourquoi avez-vous emporté le balai ? Je vous l'avais déjà défendu, je le dirai à votre mère. » Et en parlant de la sorte, Wilson se mit à secouer l'enfant assez vivement en lui serrant le bras. « Oh, je vous en prie, je vous en supplie !» sollicita Isabelle. « Ne lui faites pas de mal !»« Du mal ?» répéta la servante. « Ah, vous ne le connaissez pas. C'est un petit turbulent, un vaurien. Si de temps en temps on lui administrait quelques bonnes raclées, cela lui ferait du bien, je vous le garantis. Mais malheureusement, on ne veut pas ici m'accorder ce privilège. Sans quoi, le diable m'emporte. Je m'en acquitterai en toute conscience. » Wilson bouscula de nouveau le jeune Archibald, puis elle l'entraîna à sa suite hors de la chambre, laissant Isabelle seule avec sa douleur, seule avec son ressentiment, seule avec la rage qu'elle éprouvait à cette heure de ne pouvoir congédier cette domestique en lui disant « Cet enfant, c'est le mien, je vous défends de le battre !» Elle descendit à sa chambre particulière. Le déjeuner était servi et dans la pièce se trouvait avec Joyce et deux autres enfants. Joyce, en la voyant entrer, se retira aussitôt. L'aînée des deux enfants, Lucie, était maintenant une charmante et gracieuse petite fille de 8 ans. L'autre, William, était un garçon au regard maladif, à l'apparence chétive. Tous deux ressemblaient d'une manière frappante à leur mère, telle du moins qu'elle avait été jadis. C'étaient les mêmes traits délicats, le même teint clair et légèrement coloré, les mêmes yeux langoureux et tendres qui autrefois l'avaient rendue si attrayante, si séduisante. Lady Isabelle se reconnut en les reconnaissant. Elle eût voulu les embrasser avec amour, mais elle ne l'osa pas, non, elle ne l'osa pas, car elle craignait de se trahir. Elle craignait surtout d'être surprise comme elle l'avait été tout à l'heure. Elle se contraignit donc, elle se violenta tant qu'elle put, elle imposa silence à son cœur en le pressant avec effort, en le serrant avec douleur, en le mettant à l'étroit dans sa poitrine de mère. Lucie, tout ce temps, la contemplait en silence, mais William, moins timide que sa sœur, prit d'abord la parole. « C'est vous qui êtes notre institutrice ?» dit-il. « Oui, et nous serons bons amis, je l'espère. »« Tiens, pourquoi pas ?» poursuivit William. « Nous avons toujours été bons amis. avec Mademoiselle Manning, notre autre gouvernante. Savez-vous que je vais bientôt commencer le latin ? Oui, dès que je serai guéri de ma toux. Ah ça, pourrez-vous m'enseigner le latin, vous ? Non, répondit Isabelle, je ne connais cette langue que trop imparfaitement pour vous donner des leçons. Cela ne m'étonne point, reprit l'enfant. Mon père m'a dit qu'il n'était pas probable que vous suciez le latin. Il m'a promis de demander à M. Kane de se charger de cette partie de mon éducation. « Monsieur Kane ?» répéta Lady Isabelle. « Monsieur Kane, le maître de musique ?»« Vous le connaissez donc ?» s'écria William avec surprise. À cette question, le rouge monta aux joues d'Isabelle. Elle comprit qu'elle venait de commettre une nouvelle bévue. Il se vit obligé d'avoir recours à un mensonge pour réparer sa faute. « Non, je ne le connais point, mais Madame Latimer m'en a souvent parlé. »« C'est un excellent homme, » continua le petit garçon, « et tout organiste qu'il est, cela ne l'empêche pas de savoir le latin. » Depuis le départ de Mademoiselle Manning, c'est lui qui nous donne des leçons de piano. Maman en a exprimé le désir. Maman, combien cette appellation à l'adresse de Barbara retentit douloureusement aux oreilles d'Isabelle. Ne prenez-vous donc que du pain et du lait pour votre déjeuner ? Demanda-t-elle en voyant ce que mangeaient les enfants. C'est selon, répondit William. Nous prenons un jour du pain et du lait, un autre du pain et du beurre ou bien du miel. Tante Cornélie cependant voudrait que nous n'eussions jamais que du pain et du lait. Elle assure que c'est avec cela qu'elle a élevé papa. Oui, intervint la petite Lucie, mais cela n'empêche pas que du temps où je déjeunais avec papa, il me donnait toujours un œuf dur à manger. Vous ne déjeunez donc plus jamais avec lui à présent ? Oh non, nous ne déjeunons plus avec lui depuis l'arrivée de notre nouvelle maman. Le déjeuner s'acheva de la sorte. Puis Lady Isabelle invita les deux enfants à s'approcher et elle commença à leur adresser diverses questions touchant leurs heures d'études et de récréation. Tandis qu'elle s'entretenait ainsi familièrement avec eux, la voix de Carlyle se fit tout à coup entendre dans le vestibule. Lucie se précipita vers la porte pour aller à la rencontre de son père. « Restez ici, Isabelle !» s'écria spontanément l'institutrice. « Tiens, » fit alors William d'un ton de voix étonné, « pourquoi l'appelez-vous Isabelle ? C'est pas son nom, elle se nomme Lucie. »« Oui, oui, » balbutia la malheureuse femme au comble de l'agitation. « C'est là ce que j'ai voulu dire, mais... » Il me semblait cependant l'avoir entendu appeler ainsi. « Je me nomme en effet Isabelle, » fit Lucie. « Mais comment l'avez-vous su ? On ne m'a jamais donné le nom d'Isabelle depuis que ma mère, ma vraie maman, est partie, » ajouta-t-elle tristement et en baissant la voix. « Votre maman est donc partie ? » demanda Lady Isabelle en tremblant de l'émotion. « Oui, » répliqua la petite fille, « on nous l'a volée. »« Volée ? » répéta la mère. « Oui, volée. » Il faut vous dire qu'il y avait ici un homme très méchant, à qui papa avait donné asile. Or cet homme, il s'est sauvé en emportant maman. Depuis lors, papa n'a plus voulu que je fusse appelée du nom d'Isabelle. Et comment savez-vous cela ? Je le sais parce qu'il en a donné l'ordre devant moi à Joyce, notre bonne. Et que j'ai entendu Joyce le dire ensuite aux autres domestiques. J'avais l'habitude de mettre Isabelle Lucie au bas de mes thèmes et de mes dictées. Mais un jour, papa s'en est aperçu en examinant mes cahiers. Alors il a pris un crayon, il a biffé Isabelle, et Mademoiselle Manning m'a dit qu'à l'avenir, je ne devais signer que Lucie. Lady Isabelle aurait voulu arrêter l'enfant, l'inviter à se taire, car chacune des paroles qu'elle prononçait lui fendait le cœur. « Notre vraie maman s'appelait Lady Isabelle, » poursuivit la petite fille, « et nous l'aimons beaucoup. Mais depuis qu'elle s'en est allée, Wilson et ma tante Cornélie nous ont défendu de l'aimer encore. Wilson m'a dit que maman ne nous aurait point quittés si elle nous eût aimés. Comment ? S'écria d'une voix courroucée la malheureuse mère. « Comment ? Wilson a dit cela ?»« Oui, elle prétend que si l'on a volé maman, c'est parce que maman l'a bien voulu. »« Moi, voyez-vous, je n'en crois rien. Je crois que l'homme a dû la battre très fort pour l'obliger à nous quitter ainsi. Elle est morte maintenant. Je ne sais pas ce qui l'a fait mourir, mais je pense que ce sont les coups qu'elle a reçus. » Ce dialogue fut soudainement interrompu par l'arrivée de Joyce, qui venait proposer à Lady Isabelle de la conduire à la salle d'études. Lady Isabelle se leva, et accompagnée de William et de Lucie, elle se rendit dans la pièce en question, pièce qui se trouvait située au second étage de la maison. Elle venait à peine de s'y asseoir, que Barbara se présenta devant elle pour la mettre au courant des études qu'elle devait faire suivre aux enfants. Les recommandations qu'elle lui fit en cette circonstance, bien que formulées en termes respectueux et polis, n'en étaient pas moins des ordres. Lady Isabelle le comprit. Plus d'une fois elle fut sur le point d'éclater, tant son cœur se sentait froissé, tant son orgueil se sentait blessé. Mais à quoi bon ? Mieux valait assurément courber humblement la tête et commencer dès à présent, sans se plaindre, le rude apprentissage de l'étrange existence qu'elle-même, de sa propre volonté, s'était choisie. Le soir de ce même jour, tandis qu'Isabelle était assise avec les deux enfants dans la petite pièce qui leur était spécialement destinée, William fut pris subitement d'un violent accès de toux. Ici encore, l'instinct maternel fut plus fort qu'elle. La pauvre mère attira le petit garçon, le pressa tendrement sur son sein et le couvrit de baisers. Carlyle, qui avait entendu tousser l'enfant, pénétra ce moment dans la chambre. À sa vue, Isabelle fut comme foudroyée, et d'un geste frémissant, elle repoussa doucement le petit William. « Pourquoi le repousser ?» fit Carlyle en souriant d'émotion. « Vous aimez les enfants, j'en suis heureux, et cela prouve en votre faveur. » Que répondit-elle? Que pouvait-elle répondre? De ses lèvres tremblantes s'échappèrent quelques paroles inintelligibles et sans suite. Puis, honteuse, elle se retira dans le coin le plus obscur de la chambre. Carlyle, qui avait pris l'enfant dans ses bras, le posa à terre et le contempla de nouveau silencieusement et avec attention. William ne toussait plus, mais il semblait exténué, et la pâleur mate de son visage reluisait sous le feu de la fièvre. « Madame Byrne, » s'écria Carlyle en s'en allant, « vous viendrez au salon avec Lucie, après notre dîner. Nous désirons beaucoup vous entendre chanter. » Quand il fut parti, Isabelle attira de nouveau auprès d'elle le petit William et son front brûlant s'apesantit sur celui de l'enfant. « Toussez-vous pendant la nuit ?» demanda-t-elle. « Quelquefois. Joyce me met toujours des confitures près de mon lit, et si je tousse, j'en prends une cuillerée. » « Ce ne sont pas des confitures, bêta, » interrompit Mademoiselle Lucie, la bouche pleine de pain et de beurre. « C'est de la gelée de groseille. »« Couchez-vous seule dans votre chambre ?» continua la mère. « Oui, j'ai une chambre à moi tout seul. » Lady Isabelle redevint silencieuse. Elle semblait en proie à une violente inquiétude. Ses yeux fixes et hagards trahissaient une pensée intérieure. Elle songeait en effet aux moyens de veiller sans cesse et toujours sur cet enfant chéri. Elle se demandait si elle ne pourrait pas obtenir que William couchât dorénavant près d'elle, dans sa chambre. Oh, comme elle le soignerait alors, comme elle le dorloterait. « Mon enfant, » fit-elle tout à coup en sortant de sa rêverie, « aimeriez-vous que votre petit lit fût placé dans ma chambre ?»« Je n'en sais rien, pourquoi ?»« Parce que j'aurai bien soin de vous, parce que je vous donnerai moi-même tout ce qui vous est nécessaire, parce que je tâcherai de faire taire cette vilaine toux chaque fois qu'elle viendrait vous réveiller la nuit. » Parce que je pourrai alors vous aimer à mon aise, vous aimer comme votre vraie mère. « Ma vraie mère !» s'écria William. « Elle ne nous aimait point. Si elle nous eût aimés, nous aurait-elle quittés ?»« C'est pas vrai ce que tu dis là ?» interrompit Lucie avec colère. « Maman nous aimait beaucoup, je le sais. Joyce me l'a dit, et d'ailleurs je m'en souviens. Tais-toi !» continua William en s'adressant à sa sœur. « Tu radotes quand tu parles ainsi. » De grosses larmes vinrent mouiller les yeux de Lady Isabelle. « Mes enfants, mes enfants !» soupira-t-elle avec un douloureux effort. « Votre mère vous aimait, vous adorait. Croyez-moi, j'en ai la conviction. »« Qu'en savez-vous, Madame Byrne ?» demanda William en relevant hardiment la tête. « Qu'en savez-vous ? Vous ne l'avez jamais connue, n'est-ce pas ?»« Non, mais j'en suis sûr. » insista la malheureuse mère. « Elle devait vous aimer tendrement, car moi, qui ne suis ici que depuis un jour, je vous aime déjà. » Et se disant, Isabelle entourait de ses bras les deux enfants et il donnait un libre cours à ses larmes. « Qu'est-ce qui vous fait pleurer ainsi ?» demanda William. Isabelle se pencha sur William et d'une voix basse elle lui dit « Je pleure parce qu'en me voyant, je songe à un petit garçon que j'ai perdu. Il aurait maintenant votre âge. » « Et comment s'appelait-il ? » continua William. « William, » répondit-elle sous l'impulsion du moment. « William Byrne, » fit l'enfant. « Son papa était français, n'est-ce pas ? Parlait-il l'anglais ? » ?»« Oui, il parlait l'anglais, » répliqua Isabelle avec quelque hésitation. « Mais prenez donc votre thé, » continua-t-elle vivement. Comme si elle eût eu hâte de changer de conversation. Un peu plus tard, Barbara, qui avait quitté la salle à manger au moment du dessert pour aller voir son enfant, aperçut, en passant devant la chambre où se tenait Lady Isabelle, la petite Lucie, debout auprès de la porte entrebâillée. « Pouvons-nous aller maintenant au salon, maman ?» s'écria Lucie. « Oui, » répliqua Barbara sans s'arrêter, « et dites à Madame Byrne qu'elle vienne avec vous et qu'elle apporte sa musique. » Madame Byrne dut se rendre à cette invitation. Juste au moment où elle allait entrer au salon, Carlyle, qui venait d'achever son dîner, la rencontra dans le corridor. « Madame Byrne, » fit-il en l'accostant, « avez-vous quelque expérience dans le traitement des maladies du jeune âge ?» Isabelle fut sur le point de répondre non, mais heureusement elle se souvint tant qu'on la croyait mère de quatre enfants, et que ces quatre enfants passaient pour être morts. Il lui fallut donc répondre en conséquence. « Oui, monsieur, j'ai quelque expérience. » « Eh bien, » ajouta Carlyle, « ne trouvez-vous pas que William est très malade ?» William, il est bon de le dire, n'était pas en ce moment avec son institutrice. On l'avait envoyé coucher. Quant à Lucie, elle est allée s'asseoir au salon. « Je crois, » fit Isabelle, répondant à la question que venait de lui adresser la bouée, « je crois qu'il a besoin de beaucoup de ménagement. je crois que quelqu'un devrait veiller sans cesse sur lui, principalement pendant la nuit. Si vous voulez bien y consentir, monsieur, je me ferai une vraie joie de l'avoir auprès de moi dans ma chambre à coucher. On pourrait facilement transporter son petit lit près du mien. Je vous remercie de cette offre, répliqua Carlyle, mais je ne puis l'accepter. Je ne puis consentir à vous causer cette fatigue. Au moins ce ne sera pas une fatigue, poursuivit Isabelle. D'ailleurs, je me sens déjà pour cet enfant une grande sympathie. Vous êtes bien bonne en vérité, mais il ne faut pas y songer. Si, comme vous le paraissez craindre, sa santé exige que quelqu'un couche auprès de lui la nuit, je confierai ses tâches à l'un de mes domestiques. Ce disant, Carlyle ouvrit la porte du salon et invita l'institutrice à entrer. Ce qu'elle redouta le plus, c'était de se mettre au piano et de chanter. Elle craignait en effet qu'on ne la reconnût au son de sa voix. Cette voix, il est vrai, avait subi de grands changements depuis l'événement terrible arrivé au chemin de fer. Lady Isabelle éprouvait une certaine difficulté à s'exprimer distinctement. Elle grassaillait en parlant. Elle prononçait les mots avec hésitation et interruption, mais, chose étrange, ses défauts, ses vices et ses imperfections disparaissaient presque entièrement lorsqu'elle chantait. Elle le savait, et c'est pourquoi, à l'idée seule, qu'on allait l'inviter à dire une romance, elle se sentit faillir. Elle n'eut pas toutefois à subir ce soir-là cette rude épreuve. Barbara, qui était venue rejoindre son mari au salon, se mit elle-même au piano et l'occupa jusqu'au moment où un domestique vint annoncer l'arrivée d'un visiteur. Ce visiteur, c'était le juge Hare. Il se présenta avec cette dignité habituelle, le corps droit, la tête raide et marchant à pas compter. Barbara, sachant combien son père abhorrait la musique, se hâta de fermer le piano. « Voici une visite inattendue, une surprise agréable, » s'écria Barbara en s'avançant vers le juge. « Laissez-moi, Madame Vine, vous présenter à mon père, » ajouta-t-elle en se tournant vers Isabelle. Lady Isabelle et le juge échangèrent un salut. Puis, s'approchant de Madame Carlyle, l'institutrice lui demanda tout bas la permission de se retirer. Madame Carlyle y consentit. Isabelle se réfugia dans sa petite chambre particulière et là, seule et triste, elle se mit à songer. À quoi ? À ceci, à cela, à mille choses à la fois. À son existence passée, comparée à son existence actuelle, au dégoût, au chagrin, aux mortifications qu'elle allait avoir à endurer. Et cela chaque jour, et cela sans se plaindre. Oh, qu'elle dut souffrir dans ce tête-à-tête avec sa conscience. La pendule sonna 10 heures. Elle promena autour d'elle les yeux somnolents et éteints. Puis d'un pas chancelant, elle gravit péniblement l'escalier en s'appuyant à la rampe. Sur le palier du premier étage, elle rencontra Sarah, l'une des servantes. Elle s'arrêta subitement, frappée d'une idée qui venait de traverser son cerveau surexcité. « Dites-moi, » fit-elle en apostrophant la domestique, « pouvez-vous m'indiquer la pièce où couche le petit Carlyle ?»« C'est là, à droite, » répliqua Sarah en lui montrant du doigt la porte de la chambre. Lady Isabelle attendit un moment, puis, quand elle se fut bien assurée que la servante était partie et que personne ne pouvait la surprendre, elle entra sans bruit et en marchant sur la pointe des pieds dans la chambre où dormait l'enfant tant aimé. Elle s'approcha du lit. Il était là, sa petite tête enfouie dans l'oreiller. Sa figure exprimait la souffrance. Ses mains, aux veines gonflées, étaient croisées sur sa poitrine. Près du lit, sur un guéridon, se trouvait un verre d'eau sucrée et une soucoupe contenant de la gelée de groseille. Isabelle s'agenouilla au chevet de ce lit et son visage s'apesantit sur le traversin et sa bouche entrouverte semblait ne vouloir rien perdre de la laine de l'enfant. Elle pleurait, la pauvre mère. Ses larmes, en tombant, produisaient un son triste. Elle aurait voulu approcher ses lèvres de celles de William, mais elle ne le fit pas. C'eût été le réveiller, et le réveiller ainsi brusquement, à cette heure, cela n'aurait abouti peut-être qu'à tuer son enfant. « Miséricorde !» articula tout à coup avec épouvante une voix aigre et perçante. « J'ai cru, en apercevant du dehors la lueur de cette bougie, que le feu était à la maison. » La voix qui s'exprimait ainsi était celle de Wilson. De Wilson, qui en passant sur le palier, avait remarqué une certaine lumière dans la chambre de William. Et on avait été tellement effrayée que d'un bond, elle s'était précipitée dans cette chambre. En entendant cette exclamation, Lady Isabelle se redressa vivement, l'œil en feu et l'âme au désespoir. « Je veillais auprès de William, » balbutia-t-elle, en s'efforçant de cacher son agitation. « Monsieur Carlyle a paru avoir quelque inquiétude ce soir. L'enfant, en effet, me semble malade, bien malade. » « Vous avez tort de vous tourmenter de la sorte, » répondit Wilson. « Cet enfant n'est pas en danger. »« Espérons-le, » ajouta Lady Isabelle. « Espérons-le, » répéta-t-elle en s'esquivant plus vite. « Bonsoir, madame, » s'écria Wilson en la suivant des yeux. « Le diable m'emporte, si je comprends rien à cette femme, » ajouta-t-elle en se parlant à elle-même. En vérité, je commence à croire qu'elle est en soi peu toquée.